tous les gens qui sont là, vous pouvez vous avancer. Oui. Si vous avez envie. Hein. Allez, allez, allez. Et c'est toujours cool quand on a un concert, à la limite, c'est d'être près de la scène. Ça. Je dis ça, hein, c'est ça. C'est pas moi. Je peux pas, au niveau de la base, on peut remonter ou un truc ou pas sur scène. On va la retour, si tu veux. Non, mais tout le monde a menti. Les gens qui sont assis au fond, là, tout ça. Ça s'appelle le temps de l'année. Il paraît que ce soir, ils vont faire ça. C'est pas tout ça. Pourquoi ? Alors ceux qui sont assis au fond, ils font quoi ? Ils ont des plaques de bière géants, c'est vrai, des mouchis, des mouchis. Si vous avez des mouchis, quoi. Approchez-vous. Ok, merci beaucoup de votre attention. Thank you. aussi et tout, c'est... Bien sur scène, ça vous arrive d'être assis et tout ça. Je suis déçu, pardon. Thank you. Mon bébé. Ok. Ah, c'est juste. Ok, c'est fini déjà. Comment ça va venir là, là, devant là? Les amis, tout ça. Proportionnel à la salle. La salle est tellement grande que si on est complètement devant, ça sera super ridicule, on regarde derrière. On peut pas regarder derrière, never look back. On est là concernant hyper intéressant, mais ça, go, go, go. Okay. parfait. Merci. Super bien fini. C'est qui le mec avec le kawaii là? Autrement, monsieur Lumière, est-ce qu'on pourrait avoir le kawaii? La lumière, le là, kawaii là, parisien, là, c'est qui? D'accord. Un canadien. Allez, mais lui, il est là. Mais c'est qui le bordel? Oh, un ami de passage. Libre la Saint-Ange, libre. Il a monté à New York, Michigan. Thank you. choisir entre nos disques, par exemple. Il y a du merchandising. Il y a du merchandising, il y a des disques à vendre, pas chers, tout ça. Il faut venir nous voir. Vous payez des biens et après on... Martial, bon, hein. Martial, viens. T'as des nouveaux potes, Martial. C'est un don, là. Numériste, s'il te plaît. Il y a deux demoiselles là qui ont refusé de venir cette soirée. On est tous venus, on est là pour rigoler. Et là, ça refuse. Levez-vous, levez-vous pour moi. Stay. du morceau. J'ai l'impression que ça fait 2 heures. Mais non. Y a-t-il un groupe qui joue? Tout le monde s'est tendu, continuez. Une reprise de Dinosaur Junior. Allez. Ouais, Dinosaur Junior, ouais. Soyez professionnel. C'est la chanson. C'est mon mandat de Suck a fucking beaver. Aujourd'hui, c'est une chanson de Hugo Berwyn. Vous avez du disque ? Bravo ! Merci. On vous aime. Allez, wouh, petite dernière. Ouais ouais, après le sage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Bravo. Ouais. Ouais. Après, il y a les deux contrats. Ah bon, d'accord. Pas grave. Comme tu l'as dit, tu connais.